Vous écoutez RTL. RTL, toujours avec vous. RTL autour du monde. Présenté par Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonjour, bonjour à tous. Vous l'avez compris, l'été s'est installé déjà sur RTL. Bienvenue dans RTL autour du monde jusqu'à 16h. Des endroits magiques, des coutumes insolites, des saveurs improbables et puis des gens de toutes les couleurs, des gens hauts en couleur. Bienvenue dans ce que la radio va faire de plus dépaysant cet été. Vous allez voir à chaque jour sa spécialité, son voyage, ses curiosités et ses surprise. Laissez-moi vous présenter le casting de cette émission. Oui, je pense qu'on peut parler de casting à un moment donné. Puisque tout le monde est là pour la première, les journalistes et les spécialistes de voyage. Je vous présente Sophie Massieu, que vous connaissez peut-être déjà. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Et oui, je crois qu'on se connaît déjà. En tout cas, moi je retrouve avec un immense plaisir les auditeurs de RTL, 2 ans plus tard après mon premier passage. Et voilà, bonjour à tous. On va parler de coutumes, de traditions. Je vais vous emmener un petit peu dans les 4 coins de la planète, qui en a beaucoup plus que 4, des coins en question. Et ça va être super. Il est monumental. Il a passé 16 ans de sa vie à la direction d'Historia. C'est pas très sympa, monumental. Je vous demande d'accueillir Pierre Baron. On l'applaudit. Allez. Voilà. Pierre Baron est avec nous. Comment ça va, Pierre? Ça va bien. Mais d'abord, on va se calmer. Ce sera le modérateur de cette émission. Donc, chaque mardi, moi, il faut que je me trompe. C'est le mardi, vous. Oui. C'est déjà pas où il habite. C'est la bêtise monumentale. Je vous emmènerai faire un tour. Un voyage plutôt dans le temps, du côté des hauts lieux de notre patrimoine, à la découverte des plus beaux, des plus célèbres et parfois des plus étonnants monuments, que ce soit en France comme à l'étranger. Ce sera un peu notre Marty McFly. S'il veut. Et donc, c'est promis, nous allons sortir des sentiers battus, Jean-Michel, pour dénicher la pépite méconnue. La petite histoire derrière la grande. On compte sur vous. C'est une gourmande, c'est la reine des produits cuisinés simplement et la reine a forcément du palais. Voici Karine Tessandier. Bonjour Karine. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Les mercredis, j'aurai la chance de vous emmener en voyage. Alors un voyage gourmand et joyeux dans différents pays du monde pour découvrir les spécialités bien évidemment, mais aussi les spécificités et parfois quelques bizarreries. On commencera avec la cuisine des Vikings par exemple. Ce mercredi où je vous emmènerai en Islande et au Danemark. En Islande, on verra qu'ils dégustent des testicules de mouton cuites dans leur jus, bien sûr, par exemple. Et on voyagera aussi à Rio, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. On se rendra également du côté de l'Afrique avec le Gabon, le Sénégal. On verra vraiment les plats nationaux, ce qui fait vraiment l'identité du pays chaque mercredi. On est impatients. Il sera notre bestiologue. Il est l'auteur du Sexapile du crocodile. C'est lui-même un drôle de croco. Voici Marc Giraud qui va passer l'été avec nous. Salut Marc. Salut, bah oui, ça va être bestial, hein. Ça va être très très chaud. Les testicules, nous on va pas les manger, on va les étudier. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? J'espère que vous avez entendu, il a dit on va les étudier. Ouais. Et de très près. Ah oui, bien sûr. Et de très près. Bah, tous les animaux vont y passer. Hein. Et puis tout au long de la semaine, nous vous donnons rendez-vous avec nos partenaires médias, Le Parisien, Le Guide du Routard et le magazine Ça m'intéresse dès aujourd'hui avec Cyril Azouvi qui est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour. On parle de quoi aujourd'hui? Randonnée insolite? Randonnée insolite. Randonnée comme vous n'avez jamais vu ou entendu parler. Chez nous en France. Randonnées qui vont vous donner envie de marcher. En France, chez nous. Hein. En France. D'accord. Mais mon bras droit, ma jambe gauche, voire mon pied beau, sera Jean-Sébastien Petit-Demange avec nous tous les jours, malheureusement. Il est imposé. Hein. Ouais, c'est dans le package. C'est obligé. Avec des chroniques de l'extrême, Jean-Sébastien. Absolument. Tout ce qui se fait de plus. Voilà. C'est le monsieur plus de cette émission. Voilà, exactement. Voilà. Notre triple advisor. Et puis un jeu fil rouge, vous serez un peu notre fil rouge. Mais ça c'est pour la fin de l'émission, non, c'est il y aura sympa. Des indices qui vont être disséminés dans cette émission, 3, et vous allez devoir trouver une destination. Aujourd'hui c'est une région. Voilà, pour gagner, mais pas française. Pour gagner quoi? Des boules de pétanque de la marque au but. Voilà. Voilà, des triplettes. Car s'il y a bien un sport qu'on fait l'été, c'est la pétanque. Voilà. Des triplettes et leur surtout chamoisine, j'insiste sur la chamoisine. Ah bah. Qui sert la chamoisine, on le rappelle, à lustrer les boules. Donc on reste dans les boules, c'est celui-là. Voilà. Jean-Sébastien, vous ouvrez le bal avec votre chronique de l'extrême du jour. Si vous nous parlez de la ville la plus cool du monde. Tout de suite, ça donne une idée. On va partir sur la côte est de l'Australie. Je suis ravi de commencer cette saison d'été par l'Australie parce que c'est le dernier né des guides du routard. Alors on va partir de Sydney. On va prendre la Pacific Highway qui ne longe pas la côte malgré son nom, mais qui circule à l'intérieur des terres. On traverse des paysages qui sont vallonnés. Il y a des forêts d'eucalyptus géants absolument magiques. On traverse des ponts qui enjambent des embouchures de rivières. On est dans la carte postale. Il y a une nature luxuriante au fond. C'est totalement magique. Et on est vraiment loin du cliché australien de cet outback aride dans lequel traversent des camions-trains. On est loin de Sydney ? Un petit 800-850 km. Ouais. Hein, va falloir monter au nord. Mais ça vaut vraiment le coup parce que quand on arrive, on est dans « the coolest place » in the world. Refais-moi ça, pour voir. L'endroit le plus cool du monde. La Mecque des surfeurs. La ville qui ne compte que 5000 habitants à peine, mais Byron Bay, puisque c'est son nom, n'a pas de feu rouge, n'a pas de rond-point, n'a pas d'immeuble de plus de 3 étages. Il n'y a aucun restaurant de chaîne. Ça n'existe pas. Et il y a une atmosphère qui est tranquille, qui est amicale. C'est un vrai sentiment de bien-être, moi, qui m'avait marqué la première fois où je suis allé là-bas, il y a un peu plus de 15 ans. Je suis ravi, en plus, que ce soit Pierre Josse qui nous retrouve avec ses guides du routard, parce que c'est lui qui a rédigé cette partie de guide qui vient de sortir. Et c'est vraiment très cool d'aller là-bas, parce que le slogan de Byron Bay n'est pas usurpé du tout. Il y en a un autre de slogan, c'est « Don't spoil us, we will spoil you ». Tout simplement, ne nous pourrissez pas la vie, nous vous gâterons. Parce que le verbe « spoil » veut dire les deux choses en même temps. On nous ment, on nous spoile. Et c'est un endroit qui est vraiment grandiose. Byron Bay, c'est un mélange de richesse naturelle et de beauté monumentale, des terres volcaniques, un océan qui offre des vagues totalement inédites parce qu'on est à la pointe orientale du continent australien. Les aborigènes étaient venus s'installer là il y a quelques milliers d'années. Quand James Cook est passé en 1770, il a appelé l'endroit Cape Byron, non pas en l'honneur de Lord Byron, mais de son grand-père qui était navigateur, qui s'appelait John Byron. Et les Anglais du 19e s'y sont installés pour construire des fermes, pour exploiter le bois qu'il y avait en masse là-bas. Et à la fin des années 50, les premiers hippies, les surfeurs sont arrivés là-bas avec leurs good vibes. Et dans les années 60, c'est vrai qu'il y avait San Francisco en Amérique, Ibiza en Europe, Katmandou en Asie et Byron Bay en Australie. Et c'est vrai que l'écologie, le développement durable, la préservation des ressources sont des préoccupations vraiment majeures depuis très très longtemps là-bas. Les plages, elles sont sublimes et en plus elles sont orientées pratiquement à toutes les orientations, évidemment, sauf à l'ouest. Mais du coup, on a des plages qui donnent au nord, qui sont plutôt cool au niveau des vagues, ce qui permet aux débutants de s'adonner au surf. Vous avez des vagues qui sont plus sur la façade est, où là, ça envoie bien. Et du coup, on se rend compte que le surfeur, quand il est cool à terre, sur mer, ça devient un tueur. Parce que si d'aventure vous êtes un peu débutant et que vous arrivez comme un kéké avec votre surf, mais pas au bon endroit, vous allez vous faire virer parce que vous n'êtes pas à la hauteur et chacun a son petit coin. Ça sent le vécu, ça. Ah oui. Ça sent le surfeur. Il y en a tout le gabarit. Le gastronome surfeur, c'est franchement. Je vous rappelle que j'y étais il y a 15 ans. C'est effectivement, il y a des trains qui sont passés depuis, n'est-ce pas ? Oui, évidemment. Très bien. Et en attendant, vous savez que là-bas, il y a un dieu. C'est quoi ? Le dieu du surf. Il s'appelle Hue. Improbable dieu du surf. Et quand il n'y avait pas de vagues, il y a une tradition qu'on faisait là-bas. On prenait une vieille planche de surf, on la plantait dans le sable, on foutait le feu et on demandait est-ce qu'il y a des vagues. Malheureusement, ça ne se fait plus. Byron Bay, donc. Byron Bay, magnifique. Les endroits les plus improbables de la planète, vous les découvrirez tout au long de l'été dans cette émission. Un rappel du fil rouge, vous allez jouer au 32-10, évidemment, oui. Pour trouver un lieu, un endroit de la planète aujourd'hui. Premier indice, Jean-Sébastien. Ah, c'est un indice sonore. Un indice sonore. Un indice sonore. Alors, soyez très attentifs. 32-10. 32-10 pour vous donner une petite idée. Voici déjà un indice. Ricky et poveri. Oui, c'était pour vous, ça. Je sais que vous êtes fan. Ça me fait chaud au cœur. Ça rappelle Chrétien. Ça serait en Italie, votre truc? Ah, bah, c'est oui. Bah, enfin, si vous donnez les réponses. Non, je pose la question à voix haute. C'est quand même le premier animateur. Non, mais c'est un indice. La réponse, un indice. Il voulait un jeu de boules. Ricky et Poveri, c'est pas australien, jusqu'à preuve du contraire. 32-10, si vous avez une idée de l'endroit qu'on cherche. Avec ça, c'est léger. Il y aura deux autres indices dans le courant de l'émission. Oui. Vous n'hésitez pas, vous nous donnez déjà vos réponses pour tenter de gagner. Où c'est en Italie? Voilà. Des boules de pétanque de la marque Au But. Et on vous dit bonne chance. RTL Autour du Monde revient dans un instant. RTL Autour du Monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange. Et le lundi, dans RTL Autour du Monde, Sophie, sa coutume. Sophie Massieux, vous allez nous emmener à la découverte de drôles de coutumes. Oui, et des coutumes que j'ai envie de partager avec tous nos auditeurs, puisque ce sont des coutumes que j'ai donc expérimentées. Et pour commencer aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires de châteaux. Mais des châteaux bien particuliers, puisque ce sont des pyramides humaines. On peut dire quand on dit pyramide, moi je buzz. Miroton et Barjamul. Bien joué, j'en sais pas. Sophie. Bon, vous avez tout faux. C'est simple, vous avez tout faux. On est en Catalogne, en fait. Nous sommes exactement en Catalogne, tout près, chez nos voisins espagnols. C'est dans la région de Barcelone, en effet, qu'on pratique cette drôle d'activité. On fabrique ce qu'on appelle là-bas des castellets, des castels en français. Le principe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sur 7, 8, 9, parfois 10 étages, des hommes, des femmes, des enfants se grimpent dessus, mais si, pour former une pyramide humaine. Je comprends pas bien. Donc les gens s'empilent. S'entassent. Exactement, mais c'est simple. En fait, ils se collent. RTL Poésie, chaque jour, 15h, 16h, c'est l'été sur RTL. Si vous ne me laissez pas vous expliquer, vous ne comprendrez jamais. C'est donc simple. Faut que vous salissiez tout de suite. Ah, mais taisez-vous donc. C'est simple. Ils se collent tous les uns aux autres, certes. Très serrés, certes. Il ne faut juste pas avoir peur de la proximité avec le corps des autres. On peut faire par exemple une base de 6 personnes en bas. Donc on part sur une base de 6, voilà. Minimum. On est d'accord. Voilà, on part sur une base de 6. Partons là-dessus. Taisez-vous. Cet étage du dessous, ainsi formé, se prend par la main, forme un cercle, les bras bien tendus en l'air. Jean-Sébastien, taisez-vous. Puis voilà. On lève les bras bien haut. Oui, on lève les bras bien haut, absolument. Puis les autres montent en s'accrochant aux bras les uns des autres, posent les pieds sur vos épaules et ainsi de suite, étage par étage. Tout ça sur fond de fanfare, en effet, merci pour le petit tapis en dessous, et sous les ordres du chef de la pyramide. La fanfare, en fait, elle scande les étapes de la construction jusqu'à ce qu'au sommet, ce soit un enfant qui soit perché là-haut, tout là-haut, parce que la mélodie, en fait, jouée par la fanfare, elle indique la hauteur de la pyramide. Et lorsque la pyramide est terminée, parce que sinon, bien sûr, comme vous avez le nez planté dans la nuque de celui qui est devant vous, que vous êtes hyper concentré, hyper tendu dans les corps, hyper stable, faut bien prononcer la nuque. Vous ne voyez rien, ça suffit. Non, voilà. Et donc, ça ne s'effondre jamais, ces pyramides? Bah, ça peut. D'ailleurs, les enfants qui sont obligatoirement équipés d'un casque, et puis bon, quand même, on met les plus forts en bas de la pile. C'est-à-dire que vous, par exemple, je suis bien sûr que vous compteriez parmi les piliers, Jean-Michel. Oui, merci pour le compliment. D'où vient cette tradition exactement? On ne sait pas très bien. Non, moi non plus. De danse populaire, probablement dès le XVIIe siècle. En tout cas, c'est très très populaire. Les gens, en fait, s'entraînent régulièrement. Oui, ça en nécessite semaine. Un entraînement. Mais évidemment, parce qu'il faut de la force, il faut de la stratégie, il faut, voilà, évidemment qu'il faut de l'entraînement, comme dans tout sport. Et donc, après, ils organisent des compétitions entre villages le week-end. Et les différents clubs, en fait, se distinguent par la couleur de leur t-shirt ou de leur chemise, voire par la couleur de leur foulard aussi. Et depuis 2010, figurez-vous, vous ricanez, mais que c'est une tradition inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Et la rubrique s'appelle Sophie sa coutume. Ça veut dire que vous avez testé vous-même ou pas? Évidemment que j'ai tenté, mais j'ai pas escaladé. Moi, on le débrief. Confié, absolument. On m'avait confié une mission du bas de la pile. Pourtant, j'ai pas grand-chose dans les biceps, mais quand même, j'avais fait ça à une trentaine de minutes de Barcelone à Altafulla, et donc. Comme j'ai pas grand chose, on m'avait quand même mise en bas. Je suis pas sûre que j'avais servi à grand chose. Mais bon, néanmoins, la pyramide n'est pas tombée. J'en tire gloire. Voilà, on a compris que c'est un truc assez physique, en tout cas. Oui, c'est rien ça, de le dire. C'est ça, exactement. C'est assez physique. Alors, comme la première fois, j'avais pas tout bien compris, je suis pas sûre d'avoir été bien utile. Mais la deuxième fois, oui. Et en fait, il faut garder donc les bras en l'air vraiment très tendus pour pousser vers le haut et soutenir l'ensemble de l'édifice sans bouger pour garantir la meilleure stabilité possible. Et puis sur les épaules, vous portiez le poids aussi de ceux qui sont au-dessus de vous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on porte une espèce espèce de ceinture en flanelle assez large pour soutenir le dos pour pas se faire mal. Bien sûr, voilà, un jeu qui permet de garder la tête sur les épaules, on l'a bien compris. Vos impressions finales, Sophie. Bah écoutez, je me souviens de m'être sentie un petit peu dans une masse compacte à certains moments, Ne dites pas ça. Ce qui était à moi, un bras ici, une jambe par là, c'était à la fois drôle, mais en même temps, sérieusement, c'était assez émouvant, assez touchant, puisque je participais à une construction purement humaine, éphémère, assez périlleuse, faut bien le dire, où chacun, quel que soit son âge, sa condition physique, son sexe, son milieu social, avait un rôle à jouer. L'édifice, finalement, ne tenait que grâce à l'effort de chacun d'entre nous, sans distinction d'aucune sorte. Bref, c'était vraiment un chouette exercice. Il y a en plus une morale à cette histoire. Mais oui, c'est-à-dire que pour atteindre le sommet, mieux vaut penser collectif. Allez, d'autres bizarreries, on va vous retrouver tout à l'heure en fin d'émission, Sophie. Sont toutes dévoilées. Je dirais que vous allez encore donner, même payer de votre personne. Oui, plus encore, si j'ose dire. C'est beau ce que vous faites. Merci d'être avec nous à la radio. RTL autour du monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange. Très bel été sur RTL. Merci d'être avec nous, RTL autour du monde jusqu'à 16h. Les amis, vous savez, on en a tous eu besoin un jour. À l'heure d'Internet, on a forcément quand même un jour ou l'autre poussé la porte d'un office de tourisme. Bah oui. C'est vrai. Forcément. À l'ancienne. Oui. Parce que rien ne vaut le contact humain. Sophie nous en parlait encore il y a quelques instants. Ah, je suis bien d'accord. Moi, le contact humain, il n'y a que ça. C'est pas vous qui allez nous dire le contraire. Certainement pas. Donc on s'est dit, on va donner la possibilité à ces offices de tourisme de France de venir s'exprimer sur l'antenne d'RTL et de nous convaincre que franchement, il y a une bonne raison, s'il y en a qu'une en tout cas, une bonne raison de venir leur rendre visite. Les villes et les villages de France sont donc mis à l'honneur tout au long de cet été. Et limite, dans cette émission, un concours. Ouais, il y a un concours qui a été d'ailleurs lancé pour décerner à la fin de l'été le diplôme de du meilleur office du tourisme de France. Le diplôme RTL de Exactement. Meilleur office de tourisme de France. Alors vous allez pouvoir vous, les auditeurs d'RTL, vous qui nous écoutez, jouer avec nous et envoyer au 74 900 vos impressions, ce que vous avez pensé. Est-ce que cet office de tourisme vous a convaincu ou pas? Vous envoyez le mot tourisme dans le cas où ça vous a convaincu. À la fin de l'été, le gagnant repartira avec un diplôme. Et vous allez chaque jour gagner des guides du routard de votre choix. Je vous dis déjà, bonne chance. Je vous emmène à Rustrel aujourd'hui. On file dans le Luberon. Oui. C'est bien. Depuis la nuit des temps, je dis Luberon. Ah ben non, il n'y a pas d'accent. Non, on dit Luberon. Luberon. Où nous attend Jean-Jacques Rodriguez. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, effectivement, on dit Luberon. Voilà, j'ai fait l'effort. Oui. Jean-Jacques Rodriguez, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme Provence et Luberon. C'est ça. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 2300 offices de tourisme en France. Quand même, c'est énorme. Hein. Donnez-nous une bonne raison, Jean-Jacques, de venir vous visiter, de créer l'envie. De créer l'envie ? Je pourrais dire qu'il y a deux sortes de personnes qui existent dans le monde, celles qui sont venues dans le Luberon et celles qui y reviendront. C'est un bon début. Hein ? C'est un bon début. Non, mais en fait, si vous aimez la couleur, si vous aimez le soleil, si vous aimez les cigales, si vous aimez la Provence, voilà, il faut venir chez nous, à Rustrel, dans le Colorado provençal. Le Colorado, rien de tel, donc. Oui. Colorado, parce qu'il s'y trouve un canyon, c'est ça ? C'est ça, alors un canyon. On a, le Colorado provençal, ce sont les ocres. Alors, tout le monde connaît les ocres, cette couleur magnifique qui fait de du Luberon cette ambiance-là. Et en fait, on extrayait l'ocre, il y a quelques années, pour en faire des pigments. Mmh. Et voilà, donc à force de creuser, à force de raviner, en fait, hein, on a du coup créé des paysages qui sont dignes du Colorado. Mmh. En fait, ils nous ont piqué le nom il y a quelques années. C'est ça, oui. Ils se sont très très fort inspirés du Luberon, et on ne le c'est sait ça, que très c'est peu. Ça, c'est ça. Des pigments dont vous parliez qui servent notamment pour le ciment. Alors, qui servent pour la peinture, qui servent pour le ciment. Alors, l'exemple le plus surprenant, c'est quand même, voyez les caoutchoucs autour des bocaux, là, les caoutchoucs oranges. Oui, pour les bocaux hermétiques. Et ben, il y a quelques années, il y avait du pigment qui était à base d'ocre, là-dessus. D'accord. Donc, ça sert à tout, ça sert à colorer, voilà. Un petit mot sur l'avantage de la chose, c'est que ce sont des couleurs complètement inaltérables. Et totalement naturelles. Eh oui, surtout. Voilà. Donc, écologique, 100%. Oui. Et on va, alors, on a une gamme de couleurs, on a quand même 42 tons. Différents qui vont du blanc pur au rouge brun. Vous parliez des ocres, on en a fait une spécialité pâtissière, paraît-il. Oui, alors on en a fait du nougat, le nougat des ocres. Et ça, on en trouve sur Apt. Voilà. Qui est la grande ville du territoire. Voilà, donc si vous avez une fin d'ocre, vous n'hésitez pas, vous allez goûter nougat du Luberon, s'il vous plaît. C'est une découverte. Alors nous allons un petit peu tester vos connaissances. Oui, c'est une surprise, vous ne le saviez pas, nous sommes plein de surprises. On avait envie de savoir si vous connaissiez vraiment bien votre région en tant que directeur. Ce n'est pas un piège, c'est juste un... Je ne sais pas si je suis le mieux placé. Hein. Oh, bah, vous êtes le patron quand même. Monsieur le directeur de l'office de tourisme. Question pour un mignon. Vous connaissez Apt ? Oui. Évidemment. Oui. Apt est une capitale mondiale. Le saviez-vous ? Je crois. Capitale mondiale de quoi, monsieur le directeur ? Alors, de quelque chose qui rappelle l'enfance et les bons goûters. Je crois, de mémoire, que c'est la capitale mondiale du fruit confit. Oh oui ! Il s'appelle Jean-Jacques Rodriguez. C'est lui qui ouvrait le bal aujourd'hui. On peut franchement lui tirer un petit coup de chapeau parce qu'il a ouvert les hostilités et il a donné le ton. Et il faut quand même dire qu'à Apt, on trouve les meilleurs fruits confits du monde. Parce que c'est pas fait comme ça à la va-vite. C'est vraiment un savoir-faire ancestral. Oui, ça prend énormément de temps. Exactement. De faire des fruits confits. On prend les meilleurs fruits et c'est vraiment quelque chose de totalement suave et inégalé dans le monde. On remplace l'eau du fruit par du sucre. Voilà. Voilà. C'est une méthode artisanale. Voilà, RTL de tradition tout au long de l'été, vous allez voir dans cette émission. Bon, bravo en tout cas. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller visiter le Luberon et toute cette région. En tous les cas, pour moi, oui. Si c'est le cas, il le vend bien, il est bien. Si c'est le cas, vous envoyez vite tourisme, le mot tourisme, tout simplement au 74 900 par SMS. Il y a des guides du retard à gagner, vous pourrez le choisir. On a 3 gagnants par jour. Vous en ferez peut-être partie et ce sera par tirage au sort. On s'en reparle tout à l'heure. RTL autour du monde. Bah moi, mes dernières vacances, c'était dans une yourte mongole, en Normandie. Ah oui. C'est bien les yourtes mongoles aussi. En Normandie. Je rappelle le jeu fil rouge d'RTL autour du monde pour gagner des boules de pétanque de la marque Obut. Vous jouez avec nous au 32-10 en tentant de trouver, Jean-Sébastien, un lieu. Une région. Réquier-Pauvery était le premier indice. Ça l'appelle Kédiamo. C'était le pot. Le à mon avis, il y a une histoire d'eau derrière tout ça. Alors... Troisième et dernier indice. Le troisième indice, c'est Turin. Réquier-Pauvery, Le Pau, Turin. Ça situe bien quand même là maintenant. On parle d'une région. Oh. Je crois qu'au 32-10, c'est complètement jouable. Bah. Bon, on attend votre appel, vos appels. Bonne chance à tous. RTL autour du monde. Le lundi, c'est Sophie Sacoutume. Alors après les pyramides humaines catalanes, je vous emmène à Shanghai. Shanghai. Et on y part pour se faire du bien, mais d'une drôle de façon. Non, j'ai envie d'une autre façon. C'est ça. En tout cas, d'une manière qui, moi, m'a vraiment surprise et ne m'a pas laissé tout à fait indemne, à vrai dire. Ça recommence. Ah mince. C'est quoi ? Eh bien, écoutez, laissez-vous convaincre, laissez-vous faire. En fait, je vous embarque pour une séance de... cupping. Qu'est-ce que c'est-il ? Alors, Jean-Michel, vous vous déshabillez. Mais oui. Sophie, on se connaît vous à portez, peine. Mais oui, mais c'est comme ça. Vous portez, disons, un caleçon de bain. Vous voyez, l'honneur est sauf. Voilà. Je porte un sort de caleçon de bain, quelque chose comme ça. La société des bains de mer, je vois très bien. Vous vous allongez sur le ventre, sur une table de massage. Voilà, et voulu. C'est parti. Le praticien du cupping, rassurez-vous, ce n'est pas moi. Donc, le praticien du cupping brûle un coton avec de l'alcool à 90. Ouf. Il le met dans une tasse, c'est cup, tasse. Ah, d'où en anglais. Le cupping. D'où voilà. Le cupping. Je savais bien que vous alliez et comprendre. Et il vous pose le tout brûlant. Taisez-vous, Jean-Sébastien. Donc, ce coton reste dans la tasse quelques secondes. Ensuite, le praticien pose la tasse, ainsi bien chaude, sur votre dos, sur des points d'acupuncture. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est qu'une fois que l'air chaud prisonnier de la tasse et de votre dos, puisqu'il est coincé entre, une fois que cet air chaud refroidit, il se rétracte. Et donc, ça crée un vide dans la tasse. Et donc, ce vide, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un appel d'air, ça aspire la peau, ça fait comme c'est une ventouse. De succion. Voilà ! Exactement, c'est le principe d'une ventouse. Voilà. Donc, le cupping, c'est de la succion, quoi. Exactement. Et le principe. Ça fait pas si mal que ça. On pourrait croire que ça va faire mal, mais en fait, non. Non ! Moi, je l'ai tenté, donc, mais et non, j'avais l'impression. J'avais l'impression qu'on appuyait très très fort sur des points précis dans mon dos, comme si j'avais eu un énorme sac à dos. Et pour la médecine chinoise, en fait, cette technique, elle sert quand même à quelque chose. C'est pas juste pour faire joli. Ça permet d'éliminer les toxines de votre corps. Je suis sûre qu'avec tout ce que vous mangez et appréciez de faire la fête, vous en avez comme je vous en tout prie, le monde. Je vous en prie. Et ça permet aussi de remettre en place une bonne circulation du sang, des fluides corporels. Bref, c'est un peu se faire mal pour se faire du bien. C'est ça. Faut les garder combien de temps, vos tasses ? Une quinzaine de minutes. Ouais. C'est pas mes tasses. J'ai pas la vie devant moi. Non. vous les gardez une quinzaine de minutes. Je vous jure que ça passe vite la première fois que vous le faites, ouais. En tout cas, parce que vous êtes hyper attentif à tout ce qui se passe dans votre corps. Vous êtes tout intrigué. Et franchement, ça passe vite. Et surtout, il y a un truc qui est formidable, c'est que ça laisse des marques pendant 3 bonnes semaines. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Et derrière, il faut aller expliquer à votre femme que vous êtes allé chez votre cupping. Trois semaines, pas tout à fait, mais Jean-Michel une dizaine Zeka, de jours, c'est vrai. Trois semaines, c'est pas vrai, mais une dizaine de jours, c'est tout à fait vrai. Surtout si vous avez la peau qui marque, ça vous fait un peu comme des traces de bleu. Mais je vous jure que c'est juste parce qu'il y a un effet de la succion. Je peux poser une question plus intelligente que d'autres. Allez-y. Vous dites que c'est une coutume. C'est plus un soin. Oui, c'est un soin. Évidemment que c'est un soin, mais c'est aussi une forme de. Bah, c'est évidemment une forme de médecine préventive, mais à Shanghai, c'est aussi une forme de tradition. Parce que moi, je l'ai fait notamment avec une jeune femme qui s'offrait une séance chaque semaine, qui y allait avec ses copines. Enfin, c'est aussi une pratique sociale. C'est pas juste une pratique médicale. Arrêtez de ricaner, Jean-Sébastien Petit-Demange, vous êtes infernal. Non, c'est un truc. On fait ça entre amis, quoi. Oui, absolument. Mm-hmm. Et puis, ça date pas d'hier, hein, parce que ça date au moins d'un bon millier d'années. En Chine, on pratiquait déjà ça il y a un millier d'années. En tout cas, c'est ce que nous montrent les archéologues. Vous allez mieux depuis ? Je ne sais pas si je vais mieux, parce qu'en fait, il aurait fallu le faire plusieurs fois. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. D'accord. On ne pratique pas ça seulement à Shanghai. Hein. Non, évidemment, mais le pratiquer là-bas, c'est quand même très chic et très, très particulier. Ah bah c'est très mieux qu'à la Bourboule. Hein, c'est ça, évidemment. Et puis, c'est quand même une ville qui vit, qui est hyper dynamique et tout ça. Et donc, c'est un moment reposant. C'est une façon de prendre du temps pour soi. C'est pas mal. Bourboule de pétanque au but, on le rappelle. Quatrième et dernier indice. Quatrième et 32-10, vos appels. Ils sont importants. On est sur les animaux, mais les sensus aussi. Et très bien. On l'utilise en. Aussi. Je m'en souviens, c'était un lundi 11 juillet 2016 et en direct sur l'antenne d'RTL, Marc Giraud dit ceci. Les sensus aussi. Si, si. Sophie, nous n'oublierons jamais cette séance de cupping en votre compagnie. Mais vous serez là tous les lundis ? Mais oui, avec grand plaisir. Avec d'autres coutumes ? Mais avec d'autres coutumes. Mais il n'y a pas que moi qui parlerai de pays à l'étranger, de coutumes et d'endroits et de monuments. Je vous rappelle que demain, je crois bien que vous allez partir en Italie. Oui, et Pierre Baron sera des nôtres. Pierre ? Oui. Ce sera la journée des pierres, hein. Pierre Jospin et Baron demain. Oui, demain on va dans le sud de l'Italie. C'est bien, dans quelle région ? On va à Pompéi. Ah bien ! Parfait, à demain. C'est tout cramé là-bas. Sophie, en tout cas, vous avez bon dos, on vous embrasse. Moi aussi. À lundi prochain. À lundi. RTL, autour du monde. Je pense qu'au 32-10, nous devrions avoir un auditeur dans quelques instants qui aura la bonne réponse, peut-être même un ou deux ou trois, car je rappelle qu'il y a 3 gagnants par jour pour trouver un lieu insolite que nous recherchions aujourd'hui et qui se trouve en Italie. 3 gagnants, ils gagnent quand même chacun une triplette. Ils gagnent pas une boule chacun. Non, ils gagnent chacun une triplette. D'accord. Et sa chamoisine. Ah bah. Et le cochonnet. Et le cochonnet. Ah oui. Allez, à tout de suite. RTL autour du monde. RTL autour du monde. Je voudrais vous dire bravo d'abord, vous féliciter et vous dire merci parce que vous avez pour la première de cette émission RTL autour du monde été très nombreux déjà aujourd'hui à jouer avec nous au 32-10. Le jeu fil rouge proposé par Jean-Sébastien depuis le début de l'émission, c'était simple, c'était 3 indices, il fallait trouver un endroit, une région du monde. Une région du monde, une région d'Italie évidemment. Ricci et Poveri, le Pau-Turin. Le Pau-Turin, c'était forcément le Piémont. Italien, Turin, capitale industrielle de l'Italie, capitale également de cette région du Piémont, avec... qui a une image un peu de nuances de gris, hein, Turin, alors que c'est une ville qui est vraiment belle, qui a une élégance aristocratique mêlée un peu de froideur, mais qui est vraiment très très chic. Liée à l'automobile. C'est liée à la Fiat, évidemment, liée également au Saint-Suaire. Et puis, le Piémont, je l'ai choisi aussi parce que ça fait partie dans ce pays où il y a le plus de sites classés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, qui est l'Italie. Le dernier site, c'est un endroit que j'aime particulièrement, c'est le Monteferrato et les Langues. Les Langues. Oui, c'est vrai que vous êtes un Belge italien, vous. Vous pouvez dire les Langes aussi, tant que vous y êtes. Mais en attendant, là-bas se concentre la quintessence de la gastronomie et du savoir-faire piémontais. C'est à la fois le gibier, la truffe. La noisette. La noisette, la plus belle noisette du monde, dit-on. Et on mange bien et on boit bien parce qu'il y a du vin. Et cela donne des paysages absolument splendide, des villages coquets. Il n'y a rien de grandiose dans ce coin du Piémont, mais il y a un charme ineffable, il y a une douceur de vivre véritablement agréable. Pays qui correspond à 5 vignobles distincts et au château de Cavour. Alors, des Cavours, on en trouve partout là-bas. C'est le nom le plus répandu. Parce que Cavour, et là je prends un peu la place de Pierre Baron, Cavour, c'est une histoire incroyable que c'est ce comte Camillo Benso de Cavour qui travailla toute sa vie à l'unité de l'Italie, qui est mort 4 mois après la proclamation du royaume d'Italie. On trouve autant de Cavour que de cavistes. On le rappelle. Il faut savoir que cette histoire de l'unité de l'Italie, elle s'est jouée le 14 janvier 1858 quand un certain Orsini tente de tuer Napoléon III. Et juste avant son exécution, il écrit à l'empereur le suppliant d'intervenir en faveur de l'unité italienne. Napoléon III a été ému par ce courrier. Et du coup, il a organisé un entretien secret. C'était à Plombières. Et il organise cet entretien avec Cavour où, en échange de 200 000 hommes pour justement fabriquer cette unité, la France reçoit la Savoie et le comté de Nice. C'est comme ça que la France trouve ses frontières définitives après deux batailles qui ont quand même été absolument L'idée, c'était sanglantes. De chasser les Autrichiens. Hein. Exactement. C'était Solferino et Magenta. Ouais. Ça a été deux boucheries absolument catastrophiques. Reste que dans ce coin-là, les paysages viticoles sont parmi les plus beaux du monde. Ce sont des vrais paysages culturels. Les paysages viticoles, c'est peut-être ce que fait de mieux l'homme et la nature. Des paysages de vignes. Et puis alors, il y a quelques petites balades à faire à Castellamonferrato, où il y a un palais néoclassique superbe. Il y a Montcalvo avec une église baroque superbe. La région d'Asti, avec ce vin, cet Asti Spumante, et puis ce Moscato d'Asti. Et Asti, c'est quand même la ville de Monsieur Paolo Conte. Le Piémont, je voudrais féliciter Didier Dulbecco qui est à Antibes, il est côté RTL là-bas, peut-être sur le bord de mer, les vacances ont peut-être commencé pour lui, il vient en tout cas de gagner une triplette de boules de pétanque de la marque Au But. Voilà notre partenaire sur ce jeu fil rouge qui reviendra évidemment demain. Chaque jour, hein, on essaiera de vous faire découvrir un endroit, un lieu insolite. Pourquoi pas un monument, quelque chose en tout cas dont vous parlera Jean-Sébastien Petit demain. C'est bien qu'on parle de l'Italie aujourd'hui puisque je rappelle qu'on y revient dès demain avec vous, Pierre Baron. Je vous laisse quelques secondes pour nous vendre un peu ce que vous allez nous amener demain et pour nous donner envie d'être là demain. Comme le 14 juillet s'approche, on va parler d'abord de la Bastille, de la colonne de la Bastille. Vous me parliez de l'Italie. Oui, mais j'ai le droit aussi de parler de la France, mon caporal. Et donc, nous irons sous la colonne de la Bastille. Ouais. Et puis, je vous parlerai donc de Pompéi, où, contrairement à ce que dit mon voisin de droite, c'est tout cramé, mais c'est revenu. Voilà. Donc, on va voir ce qui est revenu. Votre voisin de droite, c'est Marc Giraud. Lui, on le retrouvera jeudi. Le jeudi et le vendredi. Et comme jeudi, c'est le 14 juillet, je vais vous faire le scarabée péteur. Enfin, je vais vous faire, vous verrez bien. D'entrée de jeu. Paf. C'est la fête, c'est la fête nationale. Oui, à chacun son budget pour les feux d'artifice. Vous avez compris le nôtre. Voilà, ce sera jeudi. Un petit mot sur vendredi déjà ou pas ? Non, c'est surprise. C'est d'accord, surprise. C'est surprise. En tout cas, vous l'avez compris. Oui, il y aura des animaux de toutes sortes, très exotiques, aussi de proximité, d'achat des chiens, des hirondelles. Je vous ferai le coup du martinet. Enfin, on verra. C'est ça, ouais. Il y a de l'animal, mais pas que. Mais pas que. Voilà, nos partenaires médias également que vous retrouverez tout au long de cet été. On a donné les noms des gagnants du. Voilà, le jeu Office du tourisme. Vous avez été convaincu peut-être par le Luberon, par la performance de Jean-Jacques Rodriguez tout à l'heure, et c'est vrai qu'il était pas mal. C'était le premier aujourd'hui. Bravo à Valérie qui est dans le Roussillon. Bravo à Blaise et bravo à Eric qui gagnent chacun un guide du routard de leur choix. Bah il y aura trois guides du routard à gagner. Et je rappelle que tout au long de l'été, nous allons tenter de décerner le diplôme RTL du meilleur office de tourisme de France de l'été. Voilà. Vous jouez avec nous. Il est encore l'heure de vous inscrire. Si vous voulez, au 3210, vous contactez nos équipes, il n'y a aucun problème, ou sur rtl.fr. Je vous embrasse, on a pris un plaisir immense à découvrir cette émission en même temps que vous.